D'ailleurs, vers ce pays nouveau de sinistre mémoire, on allait sans entrain, sans conviction, non volontairement, mais sous la pression de la fatalité. Le plus à plaindre était Lord Glenarvan. « Mon yacht, mon Duncan, disait Glenarvan avec colère, il doit être là dans ces parages, écumant ses mers, faisant ce sinistre métier de pirate. Il est là, te dis-je, là, John, sur cette roue des navires, entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et j'ai le pressentiment que nous le rencontrerons. Dieu nous préserve de cette rencontre, Milord. Pourquoi, John? Que ferions-nous sur ce brick si le Duncan nous donnait la chasse? Nous ne pourrions pas même fuir. Nous nous défendrions jusqu'à la mort, soit. Mais après, songez à Lady Glenarvan, Milord. Songez à Mary Grant. Pauvre femme, murmura Glenarvan. Il me semble que de nouvelles catastrophes nous attendent. J'ai peur. Rassurez-vous, Milord, dit le jeune capitaine. Le Macquarie marche mal, mais il marche. Mais, quant à se trouver bord à bord avec le Duncan, Dieu nous en préserve. John Mangles avait raison. La rencontre du Duncan eût été funeste au Macquarie. Mais cette nuit, elle était terrible. John Mangles ne laissa pas d'être inquiet. Vers 11h30, John Mangles et Wilson, qui se tenaient au bord sous le vent, furent frappés d'un bruit insolite. « Capitaine, dit John, courant à où il allait, nous sommes sur les brisants !» Cependant, la prompte manœuvre de John Mangles venait d'éloigner le Macquarie des brisants. Mais soudain, un choc eut lieu. Le Macquarie avait donné sur une roche. Une haute vague le prit en dessous, le porta plus avant sur les récifs et il retomba avec une violence extrême. John Mangles, sachant le navire sur les deux mains cassés le sable, priait le passager de rentrer. Cependant, où il allait, courait comme un fou sur le pont de son brick. Ses matelots, revenus de leur stupeur, défoncèrent un baril d'eau-de-vie et se mirent à boire. John Mangles fit armer ses compagnons et tous étaient prêts à repousser les matelots qui se gorgeaient de brandy. Mais les matelots, après quelques tentatives de pillage, disparurent. John Mangles ne s'occupa pas plus de ses ivrognes et attendit impatiemment le jour. Le navire était alors absolument immobile. À 1h du matin, un silence profond régnait à bord de ce brick, endormi lui-même sur son lit de sable. Vers 4h, les premières clartés apparurent. La lumière s'accrut peu à peu. « La terre !» s'écria John Mangles. « Où est-ce qu'il allait ?» demanda Glenarvan. « Je ne sais, Milord. Et ses matelots, disparus comme lui. Qu'on les cherche, dit Glenarvan. » Mais le capitaine où il allait était parti avec l'unique canot de sauvetage.